Marius, livre 8e, Le mauvais pauvre. Chapitre 1. Marius, cherchant une fille en chapeau, rencontre un homme en casquette. L'été passa, puis l'automne. L'hiver vint. Ni Monsieur Leblanc ni la jeune fille n'avaient remis les pieds au Luxembourg. Marius n'avait plus qu'une pensée, revoir ce doux et adorable visage. Il cherchait toujours, il cherchait partout. Il ne trouvait rien. Ce n'était plus Marius, le rêveur enthousiaste, l'homme résolu, ardent et ferme, le hardi provocateur de la destinée, le cerveau qui échafaudait avenir sur avenir, le jeune esprit encombré de plans, de projets, de fierté, d'idées et de volonté. C'était un chien perdu. Il tomba dans une tristesse noire. C'était fini. Le travail le rebutait, la promenade le fatiguait, la solitude l'ennuyait. La vaste nature, si remplie autrefois de formes, de clarté, de voix, de conseils, de perspectives, d'horizons, d'enseignements, était maintenant vide devant lui. Il lui semblait que tout avait disparu. Il pensait toujours, car il ne pouvait faire autrement. Mais il ne se plaisait plus dans ses pensées. À tout ce qu'elle lui proposait, tout bas, sans cesse, il répondait dans l'ombre. À quoi bon ? Il se faisait sans reproche. Pourquoi l'ai-je suivie ? J'étais si heureux rien que de la voir. Elle me regardait. Est-ce que ce n'était pas immense ? Elle avait l'air de m'aimer. Est-ce que ce n'était pas tout ? J'ai voulu avoir quoi ? Il n'y a rien après cela. J'étais absurde. C'est ma faute, etc. Courfeyrac, auquel il ne confiait rien, c'était sa nature, mais qui devinait un peu tout, c'était sa nature aussi, avait commencé par le féliciter d'être amoureux, en s'en ébahissant d'ailleurs. Puis, voyant Marius tomber dans cette mélancolie, il avait fini par lui dire « Je vois que tu as été simplement un animal. Tiens, viens à la chaumière. » Une fois, ayant confiance dans un beau soleil de septembre, Marius s'était laissé mener au bal de Sceaux par Courfeyrac, Bossuet et Grantaire, espérant, quel rêve, qu'il la retrouverait peut-être là. Bien entendu, il n'y vit pas celle qu'il cherchait. « C'est pourtant ici qu'on retrouve toutes les femmes perdues, » grommelait Grantaire en aparté. Marius laissa ses amis au bal et s'en retourna à pied, seul, là, fiévreux, les yeux troubles et tristes dans la nuit, ahuri de bruit et de poussière par les joyeux coucous pleins d'êtres chantants qui revenaient de la fête et passaient à côté de lui. Découragé, aspirant pour se rafraîchir la tête, l'âcre senteur des noyers de la route. Il se remit à vivre de plus en plus seul, égaré, accablé, tout à son angoisse intérieure, allant et venant dans sa douleur comme le loup dans le piège, quêtant partout l'absence, abruti d'amour. Une autre fois, il avait fait une rencontre qui lui avait produit un effet singulier. Il avait croisé dans les petites rues qui avoisinent le boulevard des Invalides un homme vêtu comme un ouvrier et coiffé d'une casquette à longue visière qui laissait passer des mèches de cheveux très blancs. Marius fut frappé de la beauté de ses cheveux blancs et considéra cet homme qui marchait à pas lents et comme absorbé dans une méditation douloureuse. Chose étrange, il lui parut reconnaître M. Leblanc. C'étaient les mêmes cheveux, le même profil, autant que la casquette le laissait voir, la même allure, seulement plus triste. Mais pourquoi ces habits d'ouvrier ? Qu'est-ce que cela voulait dire? Que signifiait ce déguisement? Marius fut très étonné. Quand il revint à lui, son premier mouvement fut de se mettre à suivre cet homme. Qui sait s'il ne tenait point enfin la trace qu'il cherchait? En tout cas, il fallait revoir l'homme de près et éclaircir l'énigme. Mais il s'avisa de cette idée trop tard. L'homme n'était déjà plus là. Il avait pris quelques petites rues latérales et Marius ne put le retrouver. Cette rencontre le préoccupa quelques jours, puis s'effaça. Après tout, se dit-il, ce n'est probablement qu'une ressemblance. Chapitre 2. Trouvailles. Marius n'avait pas cessé d'habiter la masure Gorbeau. Il n'y faisait attention à personne. À cette époque, à la vérité, il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et ses Jondrettes, dont il avait une fois acquitté le loyer, sans avoir du reste jamais parlé ni au père ni aux filles. Les autres locataires étaient déménagés ou morts, ou avaient été expulsés faute de paiement. Un jour de cet hiver-là, le soleil s'était un peu montré dans l'après-midi, mais c'était le 2 février, cet antique jour de la Chandeleur dont le soleil traître, précurseur d'un froid de 6 semaines, a inspiré à Mathieu Landsberg ces 2 vers, restés justement classiques. Qu'il luise ou qu'il luiserne, l'ours rentre en sa caverne. Marius venait de sortir de la sienne. La nuit tombait. C'était l'heure d'aller dîner. Car il avait bien fallu se remettre à dîner, hélas. Oh, infirmité des passions idéales! Il venait de franchir le seuil de sa porte que Mame Bougon balayait en ce moment-là même, tout en prononçant ce mémorable monologue. « Qu'est-ce qui est bon marché à présent? Tout est cher! Il n'y a que la peine du monde qui est bon marché! Elle est pour rien, la peine du monde !» Marius montait à pas lents le boulevard vers la barrière afin de gagner la rue Saint-Jacques. Il marchait pensif, la tête baissée. Tout à coup, il se sentit coudoyé dans la brume. Il se retourna et vit 2 jeunes filles en haillons, l'une longue et mince, l'autre un peu moins grande, qui passaient rapidement, essoufflées, effarouchées, et comme ayant l'air de s'enfuir. Elles venaient à sa rencontre, ne l'avaient pas vu et l'avaient heurté en passant. Marius distinguait dans le crépuscule leurs figures livides, leurs têtes décoiffées, leurs cheveux épars, leurs affreux bonnets, leurs jupes en guenilles et leurs pieds nus. Tout en courant, elles se parlaient. La plus grande disait d'une voix basse « Les cognes sont venus, ils ont manqué me pincer au demi-cercle. » L'autre répondait « Je les ai vus, j'ai cavalé, cavalé, cavalé !» Marius comprit, à travers cet argot sinistre, que les gendarmes ou les sergents de ville avaient failli saisir ses 2 enfants, et que ses enfants s'étaient échappés. Elles s'enfoncèrent sous les arbres du boulevard derrière lui, et y firent pendant quelques instants, dans l'obscurité, une espèce de blancheur vague qui s'effaça. Marius s'était arrêté un moment. Il allait continuer son chemin lorsqu'il aperçut un petit paquet grisâtre à terre, à ses pieds. Il se baissa et le ramassa. C'était une façon d'enveloppe qui paraissait contenir des papiers. « Bon, dit-il, ces malheureuses auront laissé tomber cela. » Il revint sur ses pas, il appela, il ne les retrouva plus. Il pensa qu'elles étaient déjà loin, mit le paquet dans sa poche et s'en alla dîner. Chemin faisant, il vit dans une allée de la rue Mouffetard une bière d'enfant couverte d'un drap noir, posée sur 3 chaises et éclairée par une chandelle. Les 2 filles du crépuscule lui revinrent à l'esprit. « Pauvre mère, pensa-t-il, il y a une chose plus triste que de voir ses enfants mourir, c'est de les voir mal vivre. » Puis ces ombres qui variaient sa tristesse lui sortirent de la pensée et il retomba dans ses préoccupations habituelles. Il se remit à songer à ses 6 mois d'amour et de bonheur en plein air et en pleine lumière sous les beaux arbres du Luxembourg.

Le désespoir est entouré de cloisons fragiles qui donnent toutes sur le vice ou sur le crime. La santé, la jeunesse, l'honneur, les saintes et farouches délicatesses de la chair encore neuve, le cœur, la virginité, la pudeur, cet épiderme de l'âme, sont sinistrement maniés par ce tâtonnement qui cherche des ressources, qui rencontre l'opprobre et qui s'en accommode. Père, mère, enfant, frère, sœur, homme, femme, fille, adhèrent et s'agrègent presque dans une formation minérale, dans cette brumeuse promiscuité de sexe, de parenté, d'âge, d'infamie, d'innocence. Ils s'accroupissent, adossés les uns aux autres, dans une espèce de destin taudis. Ils s'entre-regardent lamentablement. Oh, les infortunés, comme ils sont pâles, comme ils ont froid. Il semble qu'ils soient dans une planète bien plus loin du soleil que nous. Cette jeune fille fut pour Marius une sorte d'envoyé des ténèbres. Elle lui révéla tout un côté hideux de la nuit. Marius se reprocha presque les préoccupations de rêverie et de passion qui l'avaient empêché jusqu'à ce jour de jeter un coup d'œil sur ses voisins. Avoir payé leur loyer, c'était un mouvement machinal. Tout le monde eut eu ce mouvement. Mais lui, Marius, eût dû faire mieux. Quoi ? Un mur seulement le séparait de ces êtres abandonnés, qui vivaient à tâtons dans la nuit, en dehors du reste des vivants. Il les coudoyait. Il était en quelque sorte, lui, le dernier chaînon du genre humain qu'il touchasse. Il les entendait vivre, ou plutôt râler à côté de lui, et il n'y prenait point garde. Tous les jours, à chaque instant, à travers la muraille, il les entendait marcher, aller, venir, parler, et il ne prêtait pas l'oreille. Et dans ses paroles, il y avait des gémissements, et il ne les écoutait même pas. Sa pensée était ailleurs, à des songes, à des rayonnements impossibles, à des amours en l'air, à des folies. Et cependant, des créatures humaines, ses frères en Jésus-Christ, ses frères dans le peuple, agonisaient à côté de lui, agonisaient inutilement. Il faisait même partie de leur malheur et il l'aggravait. Car s'ils avaient eu un autre voisin, un voisin moins chimérique et plus attentif, un homme ordinaire et charitable, évidemment leur indigence eût été remarquée. Leurs signaux de détresse eussent été aperçus, et depuis longtemps déjà, peut-être, ils eussent été recueillis et sauvés. Sans doute, ils paraissaient bien dépravés, bien corrompus, bien avidis, bien odieux même. Mais ils sont rares, ceux qui sont tombés sans être dégradés. D'ailleurs, il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal. Les misérables. De qui est-ce la faute? Et puis, est-ce que ce n'est pas quand la chute est plus profonde que la charité doit être plus grande? Tout en se faisant cette morale, car il y avait des occasions où Marius, comme tous les cœurs vraiment honnêtes, était à lui-même son propre pédagogue et se grondait plus qu'il ne le méritait, il considérait le mur qui le séparait des Jondrette, comme s'il eût pu faire passer à travers cette cloison son regard plein de pitié et en aller réchauffer ses malheureux. Le mur était une mince lame de plâtre soutenue par des lattes et des solives et qui, comme on vient de le lire, laissait parfaitement distinguer le bruit des paroles et des voix. Il fallait être le songeur Marius pour ne pas s'en être encore aperçu. Aucun papier n'était collé sur ce mur, ni du côté des Jondrette, ni du côté de Marius. On en voyait à nu la grossière construction. Sans presque en avoir conscience, Marius examinait cette cloison. Quelquefois, la rêverie examine, observe et scrute comme ferait la pensée. Tout à coup, il se leva. Il venait de remarquer vers le haut, près du plafond, un trou triangulaire résultant de trois lattes qui laissait un vide entre elles. Le plâtras qui avait dû boucher ce vide était absent. Et en montant sur la commode, on pouvait voir par cette ouverture dans le galetas des Jondrette. La commisération a et doit avoir sa curiosité. Ce trou faisait une espèce de Judas. Il est permis de regarder l'infortune en traître pour la secourir. Voyons un peu ce que c'est que ces gens-là, pensa Marius, et où ils en sont. Il escalada la commode, approcha sa prunelle de la crevasse et regarda. Chapitre 6. L'homme fauve au gîte. Les villes, comme les forêts, ont leurs antres où se cache tout ce qu'elles ont de plus méchant et de plus redoutable. Seulement dans les villes, ce qui se cache ainsi est féroce, immonde et petit, c'est-à-dire laid. Dans les forêts, ce qui se cache est féroce, sauvage et grand, c'est-à-dire beau. Repère pour repère, ceux des bêtes sont préférables à ceux des hommes. Les cavernes valent mieux que les bouges. Ce que Marius voyait était un bouge. Marius était pauvre et sa chambre était indigente. Mais de même que sa pauvreté était noble, son grenier était propre. Le taudis où son regard plongeait en ce moment était abject, sale, fétide, infect, ténébreux, sordide. Pour tout meuble, une chaise de paille, une table infirme, quelques vieux tessons, et dans deux coins deux grabats indescriptibles. Pour toute clarté, une fenêtre mansarde à quatre carreaux, drapée de toiles d'araignée. Il venait par cette lucarne juste assez de jour pour qu'une face d'homme parût une face de fantôme. Les murs avaient un aspect lépreux et étaient couverts de coutures et de cicatrices, comme un visage défiguré par quelque horrible maladie. Une humidité chassieuse y suintait. On y distinguait des dessins obscènes, grossièrement charbonnés. La chambre que Marius occupait avait un pavage de briques délabrées. Celle-ci n'était ni carrelée, ni planchéiée. On y marchait accru sur l'antique plâtre de la masure devenue noire sous les pieds. Sur ce sol inégal, où la poussière était comme incrustée, et qui n'avait qu'une virginité, celle du balai, se groupaient capricieusement des constellations de vieux chaussons, de savates et de chiffons affreux. Du reste, cette chambre avait une cheminée. Aussi la louait-on 40 francs par an. Il y avait de tout dans cette cheminée. Un réchaud, une marmite, des planches cassées, des loques pendues à des clous, une cage d'oiseaux, de la cendre et même un peu de feu. Deux tisons y fumaient tristement. Une chose qui ajoutait encore à l'horreur de ce galetas, c'est que c'était grand. Cela avait des saillies, des angles, des trous noirs, des dessous de toit, des baies et des promontoires. De là d'affreux coins insondables, où il semblait que devaient se blottir des araignées grosses comme le poing, des cloportes larges comme le pied, et peut-être même on ne sait quels êtres humains monstrueux. L'un des grabats était près de la porte, l'autre près de la fenêtre. Tous deux touchaient par une extrémité à la cheminée et faisaient face à Marius. Dans un angle voisin de l'ouverture, par où Marius regardait, était accroché au mur, dans un cadre de bois noir, une gravure coloriée au bas de laquelle était écrit en grosses lettres « Le songe ». Cela représentait une femme endormie et un enfant endormi, l'enfant sur les genoux de la femme, un aigle dans un nuage avec une couronne dans le bec, et la femme écartant la couronne de la tête de l'enfant, sans se réveiller d'ailleurs. Au fond, Napoléon, dans une gloire, s'appuyait sur une colonne gros bleu à chapiteau jaune orné de cette inscription « Marengo, Austerlitz, Iéna, Wagram, Hello ». Au-dessous de ce cadre, une espèce de panneau de bois, plus long que large, était posé à terre et appuyé en plan incliné contre le mur. Cela avait l'air d'un tableau retourné, d'un châssis probablement barbouillé de l'autre côté, de quelques trumeaux détachés d'une muraille et oubliés là en attendant qu'on le raccroche. Près de la table, sur laquelle Marius apercevait une plume, de l'encre et du papier, était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, hagard, l'air fin, cruel et inquiet, un gredin hideux. Lavater, s'il eût considéré ce visage, y eût trouvé le vautour mêlé au procureur, l'oiseau de proie et l'homme de chicane s'enlaidissant et se complétant l'un par l'autre. L'homme de chicane faisant l'oiseau de proie ignoble, l'oiseau de proie faisant l'homme de chicane horrible. Cet homme avait une longue barbe grise. Il était vêtu d'une chemise de femme qui laissait voir sa poitrine velue et ses bras nus et rissés de poils gris. Sous cette chemise, on voyait passer un pantalon boueux et des bottes dont sortaient les doigts de ses pieds. Il avait une pipe à la bouche et il fumait. Il n'y avait plus de pain dans le taudis, mais il y avait encore du tabac. Il écrivait probablement quelques lettres comme celles que Marius avait lues. Sur le coin de la table, on apercevait un vieux volume rougeâtre, dépareillé, et le format, qui était l'ancien IN 12 des cabinets de lecture, révélait un roman. Sur la couverture s'étalait ce titre imprimé en grosses majuscules « Dieu, le roi, l'honneur et les dames » par Ducray du Ménil, 1814. Tout en écrivant, l'homme parlait haut et Marius entendait ses paroles. Dire qu'il n'y a pas d'égalité, même quand on est mort. Voyez un peu le Père Lachaise. Les grands, ceux qui sont riches, sont en haut, dans l'allée des acacias, qui est pavée. Ils peuvent y arriver en voiture. Les petits, les pauvres gens, les malheureux, quoi. On les met dans le bas, où il y a de la boue jusqu'aux genoux, dans des trous, dans l'humidité. On les met là pour qu'ils soient plus vite gâtés. On ne peut pas aller les voir sans enfoncer dans la terre. Ici, il s'arrêta, frappa du poing sur la table et ajouta en grinçant des dents « Oh, je mangerai le monde !» Une grosse femme, qui pouvait avoir 40 ans ou 100 ans, était accroupie près de la cheminée sur ses talons nus. Elle n'était vêtue, elle aussi, que d'une chemise et d'un jupon de tricot rapiécé avec des morceaux de vieux drap. Un tablier de grosse toile cachait la moitié du jupon. Quoique cette femme fût pliée et ramassée sur elle-même, on voyait qu'elle était de très haute taille. C'était une espèce de géante à côté de son mari. Elle avait d'affreux cheveux d'un blond roux, grisonnant, qu'elle remuait de temps en temps avec ses énormes mains luisantes à ongles plats. À côté d'elle était posé à terre, tout grand ouvert, un volume du même format que l'autre et probablement du même roman. Sur un des grabats, Marius entrevoyait une espèce de longue petite fille blême assise, presque nue et les pieds pendants, n'ayant l'air ni d'écouter, ni de voir, ni de vivre. La sœur cadette, sans doute, de s'est venue chez lui. Elle paraissait 11 ou 12 ans. En l'examinant avec attention, on reconnaissait qu'elle en avait bien 15. C'était l'enfant qui disait la veille au soir sur le boulevard « J'ai cavalé, cavalé, cavalé !» Elle était de cette espèce malingre qui reste longtemps en retard, puis pousse vite et tout à coup. C'est l'indigence qui fait ces tristes plantes humaines. Ces créatures n'ont ni enfance ni adolescence. À 15 ans, elles en paraissent 12. À 16 ans, elles en paraissent 20. Aujourd'hui petite fille, demain femme. On dirait qu'elles enjambent la vie pour avoir fini plus vite. En ce moment, cet être avait l'air d'un enfant. Du reste, il ne se révélait dans ce logis la présence d'aucun travail. Pas un métier, pas un rouet, pas un outil. Dans un coin, quelques ferrailles d'un aspect douteux. C'était cette morne paresse qui suit le désespoir et qui précède l'agonie. Marius considéra quelque temps cet intérieur funèbre, plus effrayant que l'intérieur d'une tombe, car on y sentait remuer l'âme humaine et palpiter la vie, le galetas, la cave, la basse fosse, où de certains indigents rampent au plus bas de l'édifice social, n'est pas tout à fait le sépulcre. C'en est l'antichambre. Mais comme ces riches qui étalent leur plus grande magnificence à l'entrée de leur palais, il semble que la mort, qui est tout à côté, mette ses plus grandes misères dans ce vestibule. L'homme s'était tu, la femme ne parlait pas, la jeune fille ne semblait pas respirer. On entendait crier la plume sur le papier. L'homme grommela sans cesser d'écrire « Canaille ! Canaille ! Tout est canaille !» Cette variante à l'épiphonème de Salomon arracha un soupir à la femme. « Petit ami, calme-toi » dit-elle. « Ne te fais pas de mal, chérie. Tu es trop bon d'écrire à tous ces gens-là, mon homme. » Dans la misère, les corps se serrent les uns contre les autres, comme dans le froid. Mais les cœurs s'éloignent. Cette femme, selon toute apparence, avait dû aimer cet homme de la quantité d'amour qui était en elle. Mais probablement, dans les reproches quotidiens et réciproques d'une affreuse détresse pesant sur tout le groupe, cela s'était éteint. Il n'y avait plus en elle pour son mari que de la cendre d'affection. Pourtant, les appellations caressantes, comme cela arrive souvent, avaient survécu. Elle lui disait « Chérie, petit ami, mon homme, etc. » de bouche, le cœur se taisant. L'homme s'était remis à écrire. Chapitre 7. Stratégie et tactique. Marius, la poitrine oppressée, allait redescendre de l'espèce d'observatoire qu'il s'était improvisé, quand un bruit attira son attention et le fit rester à sa place. La porte du galetas venait de s'ouvrir brusquement. La fille aînée parut sur le seuil. Elle avait aux pieds de gros souliers d'homme tachés de boue, qui avaient jailli jusque sur ses chevilles rouges, et elle était couverte d'une vieille mante en lambeaux que Marius ne lui avait pas vue une heure auparavant, mais qu'elle avait probablement déposé à sa porte afin d'inspirer plus de pitié, et qu'elle avait dû reprendre en sortant. Elle entra, repoussa la porte derrière elle, s'arrêta pour reprendre haleine, car elle était toute essoufflée, puis cria avec une expression de triomphe et de joie « Il vient !» Le père tourna les yeux, la femme tourna la tête, la petite sœur ne bougea pas. « Qui ?» demanda le père. « Le monsieur !» « Le philanthrope ? Oui. De l'église Saint-Jacques ? Oui. Ce vieux ? Oui. Et il va venir ? Il me suit. Tu es sûr ? Je suis sûr. Là, vrai, il vient ? Il vient en fiacre. En fiacre ? C'est Rothschild ! » Le père se leva. « Comment es-tu sûr ? S'il vient en fiacre, comment se fait-il que tu arrives avant lui ? Lui as-tu bien donné l'adresse au moins ? Lui as-tu bien dit la dernière porte au fond du corridor à droite ? Pourvu qu'il ne se trompe pas, tu l'as donc trouvé à l'église ? A-t-il lu ma lettre ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ta, ta, ta, dit la fille, comme tu galopes, mon homme ! Voici, je suis entrée dans l'église, il était à sa place d'habitude. Je lui ai fait la révérence et je lui ai remis la lettre. Il a lu et il m'a dit « Où demeurez-vous, mon enfant ?» J'ai dit « Monsieur, je vais vous mener. » Il m'a dit « Non, donnez-moi votre adresse. Ma fille a des emplettes à faire. Je vais prendre une voiture et j'arriverai chez vous en même temps que vous. » Je lui ai donné l'adresse. Quand je lui ai dit la maison, il a paru surpris et qu'il hésitait un instant. Puis il a dit « C'est égal, j'irai. » La messe finie, je l'ai vu sortir de l'église avec sa fille. Je les ai vus monter en fiacre et je lui ai bien dit « La dernière porte au fond du corridor à droite. » Et qu'est-ce qu'il dit qu'il viendra ? Je viens de voir le fiacre qui arrivait rue du petit banquier. C'est ce qui fait que j'ai couru. Comment sais-tu que c'est le même fiacre ? Parce que j'en avais remarqué le numéro, donc. Quel est ce numéro ? 440. Bien, tu es une fille d'esprit. La fille regarda hardiment son père et montrant les chaussures qu'elle avait aux pieds. Une fille d'esprit, c'est possible, mais je dis que je ne mettrai plus ces souliers-là et que je n'en veux plus. Pour la santé d'abord et pour la propreté ensuite. Je ne connais rien de plus agaçant que des semelles qui jutent et qui font gué, gué, gué tout le long du chemin. J'aime mieux aller nu-pied. Tu as raison, répondit le père d'un ton de douceur qui contrastait avec la rudesse de la jeune fille. Mais c'est qu'on ne te laisserait pas entrer dans les églises. Il faut que les pauvres aient des souliers. On ne va pas pieds nus chez le bon Dieu, ajouta-t-il amèrement. Puis revenant à l'objet qui le préoccupait, « Et tu es sûr, là, sûr qu'il vient ?»« Il est derrière mes talons, » dit-elle. L'homme se dressa. Il y avait une sorte d'illumination sur son visage. « Ma femme » cria-t-il. « Tu entends ? Voilà le philanthrope ! Éteins le feu !» La mère, stupéfaite, ne bougea pas. Le père, avec l'agilité d'un saltimbanque, saisit un pot égueulé qui était sur la cheminée et jeta de l'eau sur les tisons. Puis, s'adressant à sa fille aînée, « Toi, dépaille la chaise !» Sa fille ne comprenait point. Il empoigna la chaise et d'un coup de talon, il en fit une chaise dépaillée. Sa jambe passa au travers. Tout en retirant sa jambe, il demanda à sa fille « Fait-il froid ?»« Très froid, il neige !» Le père se tourna vers la cadette qui était sur le grabat près de la fenêtre et lui cria d'une voix tonnante « Vite, à bas du lit, fainéante, tu ne feras donc jamais rien, casse un carreau !» La petite se jeta à bas du lit en frissonnant. « Casse un carreau » reprit-il. L'enfant demeura interdite. « M'entends-tu ? » répéta le père. « Je te dis de casser un carreau !» L'enfant, avec une sorte d'obéissance terrifiée, se dressa sur la pointe du pied et donna un coup de poing dans un carreau. La vitre se brisa et tomba à grand bruit. « Bien !» dit le père. Il était grave et brusque. Son regard parcourait rapidement tous les recoins du galetas. On eût dit un général qui fait les derniers préparatifs au moment où la bataille va commencer. La mère, qui n'avait pas encore dit un mot, se souleva et demanda d'une voix lente et sourde et dont les paroles semblaient sortir comme figées « Chérie, qu'est-ce que tu veux faire ? » ?»« Mets-toi au lit !» répondit l'homme. L'intonation n'admettait pas de délibération. La mère obéit et se jeta lourdement sur un des grabats. Cependant, on entendait un sanglot dans un coin. « Qu'est-ce que c'est ?» cria le père. La fille cadette, sans sortir de l'ombre où elle s'était blottie, montra son poing ensanglanté. En brisant la vitre, elle s'était blessée. Elle s'en était allée près du grabat de sa mère et elle pleurait silencieusement. Ce fut le tour de la mère de se redresser et de crier. « Tu vois bien les bêtises que tu fais en cassant ton carreau, elle s'est coupée !»« Tant mieux !» dit l'homme. « C'était prévu !»« Comment tant mieux ?» reprit la femme. « Paix !» répliqua le père. « Je supprime la liberté de la presse !» Puis, déchirant la chemise de femme qu'il avait sur le corps, il fit un lambeau de toile dont il enveloppa vivement le poignet sanglant de la petite. Cela fait, son œil s'abaissa sur la chemise déchirée avec satisfaction. « Et la chemise aussi, » dit-il. « Tout cela à bon air. » Une bise glacée sifflait à la vitre et entrait dans la chambre. La brume du dehors y pénétrait et s'y dilatait comme une ouate blanchâtre, vaguement démêlée par des doigts invisibles. À travers le carreau cassé, on voyait tomber la neige. Le froid promis la veille par le soleil de la Chandeleur était en effet venu. Le père promena un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Il prit une vieille pelle et répandit de la cendre sur les tisons mouillés de façon à les cacher complètement. Puis, se relevant et s'adossant à la cheminée, « Maintenant, » dit-il, « Nous pouvons recevoir le philanthrope. » Chapitre 8. Le rayon dans le bouge. La grande fille s'approcha et posa sa main sur celle de son père. « Tâte, comme j'ai froid !» dit-elle. « Bah !» répondit le père, « j'ai bien plus froid que cela. » La mère cria impétueusement. « Tu as toujours tout mieux que les autres, toi, même le mal !»« Ah bah !» dit l'homme. La mère, regardée d'une certaine façon, se tut. Il y eut dans le bouge un moment de silence. La fille aînée décrottait d'un air insouciant le bas de sa mante. La jeune sœur continuait de sangloter. La mère lui avait pris la tête dans ses deux mains et la couvrait de baisers en lui disant tout bas « Mon trésor, je t'en prie, ce ne sera rien, ne pleure pas, tu vas fâcher ton père. » « Non !» cria le père, « au contraire, sanglote, sanglote, cela fait bien !» Puis, revenant à l'aîné, « Ah, ça, mais il n'arrive pas! S'il allait ne pas venir, j'aurais éteint mon feu, défoncé ma chaise, déchiré ma chemise et cassé mon carreau pour rien !»« Et blessé la petite !» murmura la mère. « Savez-vous, reprit le père, qu'il fait un froid de chien dans ce galetas du diable ? Si cet homme ne venait pas... Oh, voilà, il se fait attendre, il se dit. Eh bien, ils m'attendront, ils sont là pour cela. Oh, que je les hais, et comme je les étranglerai avec jubilation, joie, enthousiasme et satisfaction, c'est riche. Tout, c'est riche. Ces prétendus hommes charitables qui font les conflits, qui vont à la messe, qui donnent dans la prêtraille, prêchi, prêcha, dans les calotins, et qui se croient au-dessus de nous, et qui viennent nous humilier, et nous apporter des vêtements, comme ils disent. Des nippes qui ne valent pas 4 sous, et du pain. Ce n'est pas cela que je veux, tas de canailles, c'est de l'argent. Ah, de l'argent, jamais, parce qu'ils disent que nous l'irions boire, et que nous sommes des ivrognes et des fainéants. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont donc? Et qu'est-ce qu'ils ont été dans leur temps? Des voleurs, ils ne se seraient pas enrichis sans cela. Oh, on devrait prendre la société par les 4 coins de la nappe, et tout jeter en l'air. Tout se casserait, c'est possible. Mais au moins, personne n'aurait rien, serait cela de gagné. Mais qu'est-ce qu'il fait donc, ton mufle de monsieur bienfaisant? Viendra-t-il? L'animal a peut-être oublié l'adresse. Gageons que cette vieille bête... En ce moment, on frappa un léger coup à la porte. L'homme s'y précipita et l'ouvrit en s'écriant avec des salutations profondes et des sourires d'adoration. « Entrez, monsieur, daignez entrer, mon respectable bienfaiteur, ainsi que votre charmante demoiselle. » Un homme d'un âge mûr et une jeune fille parurent sur le seuil du galetas. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Quiconque a aimé sait tous les sens rayonnants que contiennent les 4 lettres de ce mot. Elle. C'était bien elle. C'est à peine si Marius la distinguait à travers la vapeur lumineuse qui s'était subitement répandue sur ses yeux. C'était ce doux être absent, cet astre qui lui avait lui pendant 6 mois. C'était cette prunelle, ce front, cette bouche, ce beau visage évanoui qui avait fait la nuit en s'en allant. La vision s'était éclipsée. Elle reparaissait. Elle reparaissait dans cette ombre, dans ce galetas, dans ce bouge difforme, dans cette horreur. Marius frémissait éperdument. Quoi ? C'était elle ? Les palpitations de son cœur lui troublaient la vue. Il se sentait prêt à fondre en larmes. Quoi ? Il la revoyait enfin, après l'avoir cherchée si longtemps ? Il lui semblait qu'il avait perdu son âme et qu'il venait de la retrouver. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. Sa taille se dérobait sous une pelisse de satin noir. On entrevoyait sous sa longue robe son petit pied serré dans un brodequin de soie. Elle était toujours accompagnée de Monsieur Leblanc. Elle avait fait quelques pas dans la chambre et avait déposé un assez gros paquet sur la table. La Jondrette, aînée, s'était retirée derrière la porte et regardait d'un œil sombre ce chapeau de velours, cette mante de soie et ce charmant visage heureux. Chapitre 9. Jondrette pleure presque. Le taudis était tellement obscur que les gens qui venaient du dehors éprouvaient en y pénétrant